la femme et l'adultère. L'adultère pousse la femme aux limites de sa résistance émotionnelle. Rien chez elle ne la prépare au choc auquel l'adultère la prédispose, tant l'expérience déjoue ses réflexes face à l'amour. Elle ne peut s'en accommoder, tant son cœur en est meurtri et son esprit fragilisé. Lorsque la femme fait face à l'adultère, elle ne le comprend pas, car elle est fondamentalement monogame, au point où toute autre façon de vivre représente un compromis brimant son individualité, donc son amour-propre. Mais l'adultère fait partie de la vie, de ses passions, de ses désordres et de ses renouveaux. Il ne peut être éliminé de l'existence. Pour cette raison, il doit être traité sans condition si la femme veut s'en libérer émotionnellement et poursuivre sa route. Dans le cas contraire, elle risque de figer dans un passé qui n'est plus et dont la vie actuelle ne reconnaît plus l'existence. La femme a la responsabilité personnelle de voir à son bien-être au-delà de l'adultère et de réaliser, comme celui qui en est à l'origine, que la vie invite constamment l'humain, homme ou femme, à vivre des expériences dont le but est souvent voilé à ceux ou celles qui en sont les porteurs. Nous sommes sur Terre pour évoluer. Pleurer sans relâche d'adultère dont on est victime n'est pas une solution. La femme doit apprendre à se protéger contre les affronts de la vie et surtout contre les pièges de l'amour. C'est à travers ses déboires qu'elle grandit et apprend à se connaître. L'adultère n'est autre qu'une des plus pénibles expériences qu'elle peut connaître au cours du long chapelet de ses expériences amoureuses. Doit-elle jeter le blâme sur l'homme qui la trompe? Oui, dans la mesure où il en est le responsable, mais non dans la mesure où il en est aussi la victime aveuglée. Dans l'amour, la femme doit apprendre que la fidélité n'est qu'un engagement que l'on s'engage à tenir jusqu'à ce que cela ne tienne plus. Rien n'est absolu de ce côté de la vie. La vie a réponse à un tas de choses que nous ne comprenons que partiellement. Tout comprendre serait sagesse, tout savoir serait intelligence, tout supporter serait grandiose. Mais la conscience humaine n'est pas si grande. Pour cette raison, la femme doit se mesurer à elle-même et non pas à l'adultère, à l'affront qu'elle a subi, soi-disant injustement. Ce qui est injuste, c'est de ne pas comprendre le pourquoi. L'adultère est une des grandes tragédies de l'amour. Il ne convient pas de lui accorder une dimension plus grande que celle de lui réclamer la souffrance de la femme. Par contre, il est nécessaire de reconnaître que les passions sont des forces de l'âme servant à son évolution de l'être et que non seulement la femme, mais aussi l'homme souffre suite à l'adultère, puisque son monde en est touché, par exemple lorsqu'on le bannit de sa famille ou qu'il est tenu à l'écart de ses enfants. L'adultère est une transgression dont l'homme est tenu responsable, ayant le premier brisé la confiance.